Bon, et maintenant, tous ensemble. Vous venez avec nous? Allons. Bien sûr, l'aventure continue. Maintenant, je fonce, Alphonse. Ah, c'est bien, alors, allez, on y retourne. C'est l'histoire d'un éditeur parisien, pas très sportif, sujet au vertige, plus habitué au salon littéraire qu'au bivouac en haute montagne, et qui pourtant va tenter de gravir le sommet du Mont Blanc. Une ascension pour prendre de la hauteur sur ses problèmes et tenter de s'échapper de la période difficile qu'il traverse. L'histoire se déroule en 2013. Pour réaliser ce défi un peu fou, notre éditeur, sujet au vertige, peut compter sur deux amis, alpinistes aguerris, Jean-Christophe Ruffin et Sylvain Tesson. Ensemble, ils vont tenter d'atteindre le toit de l'Europe par une voie périlleuse pour un débutant, mais dont ils espèrent qu'elle aidera notre éditeur déprimé à retrouver le goût du bonheur. Dans un livre intitulé « L'ascension du Mont Blanc » aux éditions Alary, Ludovic Escande raconte cette aventure amicale qui l'a conduit à affronter des glaciers à pic, la haute altitude et le manque d'oxygène. Et puisqu'il semble avoir pris goût au bivouac, nous l'avons convié à passer une heure avec nous. En fin d'émission, pour notre séquence « L'aventure en direct », nous tenterons de joindre la base Concordia au cœur du continent antarctique. Après plusieurs mois d'obscurité, l'équipe de scientifiques qui s'y trouve vient de voir réapparaître le soleil. Nous verrons comment ils ont vécu cet événement. Voilà pour le programme de la deuxième partie de notre bivouac. Alors d'un côté, le soleil qui se lève dans du turquoise. De côté des nuages. De côté des nuages roses, l'Italie. On est au sommet, là, on le touche. Hein. On le voit, là. C'est rien. Il tombe la main et on l'a. Il tombe la main. Il est comme vu d'en bas, il est tout crémeux. Aïe. Rosé par le soleil levant. Il nous attend, je crois. Hein. Ouais. Il nous attend. Ça fait 45 millions d'années qu'il nous attend. Voilà le genre d'impression et de vue que l'on a lorsque l'on approche du sommet du massif du Mont Blanc. Ludovic Escande, avant de vous lancer ce défi, l'idée de gravir le Mont Blanc, vous était-elle déjà passée par la tête ? Oui, d'ailleurs j'en avais parlé à Sylvain, comme je savais qu'il faisait beaucoup d'alpinisme. En fait, je faisais beaucoup de randonnées à Chamonix et je regardais toujours en haut des sommets en me disant que j'aimerais bien le faire, mais comme j'ai le vertige, je m'étais totalement interdit cette possibilité. Pour vous, c'était une forteresse interdite, ce massif du Mont Blanc? Ah oui, complètement. C'était pour moi une citadelle qui était réservée à... pour ainsi dire, presque à des surhommes, parce que c'est un peu l'idée qu'on se fait des alpinistes, je trouve. Et alors tout commence en 2012. 2012, vous traversez une mauvaise passe, hein, vous êtes un peu déprimé, un divorce, hein, vous dites dans votre livre « Je ne suis plus que le tiers de moi-même, hein, vous n'allez pas du tout ». Et vous en faites part, comme vous êtes éditeur chez Gallimard, vous côtoyez ces auteurs, vous déjeunez avec Sylvain Tesson, et ils se rendent compte que vous n'allez pas très bien. Ouais. Sylvain est assez pudique, donc il fallait vraiment que j'ai une drôle de tête pour qu'il aborde la question privée. Et effectivement, il m'a demandé ce qui n'allait pas et je lui ai expliqué la situation que je traversais. Et à ce moment-là, il m'a dit « qu'est-ce que je pourrais faire moi pour t'aider ?» Et j'ai lancé un peu comme une blague « j'aimerais bien prendre de la hauteur et faire de la montagne ». Et il m'a regardé, il m'a dit « on va faire le Mont Blanc ». Et moi, je lui ai dit « d'accord ». Pensant que c'était une blague, sauf que le lendemain matin, il m'a appelé pour me dire qu'il avait réservé le guide. Et alors là, tout a commencé comme ça. Ouais, alors, il emploie des mots aussi pour vous convaincre. Il dit, pourquoi tu t'empêches de faire ça? Cette phrase fait un déclic. C'est vrai, après tout, pourquoi on s'empêche de faire certaines choses? C'est avec des mots simples qu'il vous convainc de partir, de gravir ce sommet. Ouais, parce que il a un principe, c'est que tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir si on peut réussir quelque chose. Et il m'a dit, ton vertige, c'est uniquement dans la tête. Il faut absolument que tu ailles là-bas et aidé par moi et le guide, son copain Daniel Dulac. Alors c'est pas n'importe quel guide, hein. Il est champion du monde d'escalade. Vous vous entourez particulièrement bien pour cette première ascension du Mont Blanc. Ouais. En même temps, c'était des Ruffin et Tesson. Ce sont des gens que je côtoie assez souvent. Alors Dulac, je ne connaissais pas le guide, mais effectivement, j'ai appris ensuite qu'il était champion d'escalade du monde. Un domaine dont j'ignore tout à l'époque. Mm-hmm. Donc pour moi. Voilà, c'était l'inconnu. Mais ça vous semble crédible? Vous vous dites, parce que eux sont expérimentés, parce que ce sont mes amis, parce qu'ils ont l'air de croire que c'est possible, vous vous dites... J'en faisais une totale confiance. Totale confiance. Quand je travaille avec eux et qu'on travaille sur leurs livres, ils me feront confiance. Et j'ai estimé à ce moment-là que je pouvais leur faire confiance dans leur dans ce domaine très particulier qui est la montagne. Ouais. Et je me suis dit, si ils me disent qu'on peut y aller, à ce moment-là, je n'ai qu'à les suivre et à les croire. Mmh. Et au fond, ça m'arrange bien. Parce que ça me permet de mettre de côté mes propres peurs et de me reposer uniquement sur eux. Puis peut-être effectivement d'avoir d'autres choses sur lesquelles gamberger, parce qu'on le rappelle, à ce moment-là, vous êtes déprimé, vous plaisantez même, parce que votre livre n'est pas du tout larmoyant, hein, vous racontez ça avec un certain recul et avec beaucoup d'humour, mais vous précisez que vous emménagez pour ce déménagement suite à votre divorce, rue de l'Avenir, à Deuil-la-Barre, une adresse un peu... ouais. Voilà, okay. Une adresse à la Michel Houellebecq, d'ailleurs il y a un poème de Michel Houellebecq s'appelle un été à Deuil-la-Barre. Ouais. Et c'est vrai que au moment où je me rends compte que je m'installe à Deuil-la-Barre, je me dis ça va pas du tout. Il faut vraiment que j'inverse la tendance. Le processus. En fait, au lieu de donner le coup de pied au fond de la piscine, vous êtes allé chercher de l'air au sommet du Mont Blanc. Et ça m'a donné un horizon, un but à accomplir, ouais. et du coup. Alors quand même, vous faites ça relativement sérieusement. On est en 2012, je le rappelle, Sylvain Tesson à ce moment-là n'a pas encore eu hein, son accident qu'il aura ensuite en 2014. Il vous donne un programme à suivre. Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil pour vous préparer à cette ascension? Parce qu'on est en 2012, vous projetez de faire l'ascension un an plus tard. Donc vous avez le temps de vous préparer à cette épreuve. On est en octobre 2012 et l'ascension est prévue en juillet 2013. Voilà. Donc d'ici juillet, il me dit, il faut que tu cours 3 fois par semaine, que tu fasses des pompes, des tractions, et que tu continues à fumer et à boire autant que maintenant. Voilà. C'est-à-dire un paquet plus une demi-bouteille de... Un conseil à la Sylvain Tesson. Hein. À la Sylvain Tesson, c'est-à-dire l'alpinisme gonzo. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous... Ouais. C'est l'alpinisme qui ne respecte pas complètement les règles d'hygiène et qui se permet de faire entrer dans son programme d'entraînement un peu de fête, un peu de liesse, un peu de fumette, un peu de tout ça, quoi. Ouais. Alors quand vous allez voir votre docteur, votre médecin et que vous lui expliquez un peu comment vous vous préparez, elle est pas trop adepte de l'alpinisme gonzo, la docteure que vous croisez. Non, pas du tout. D'ailleurs, elle comprend pas très bien ce que je fais dans son cabinet parce que je me suis prescrit moi-même des médicaments qu'on peut acheter librement en pharmacie, c'est-à-dire je mélange le Doliprane, le Fervex, tout, comme ça, de manière un peu chaotique. Et elle me dit, mais monsieur, vous vous rendez compte que vous ne préparez absolument pas à aller en haute altitude, c'est plutôt, vous allez plutôt vers le sous-sol, là, avec votre programme. Donc elle me dit de tout arrêter, de tout ramener à la pharmacie ouais. Et de me contenter de faire un peu de... Voilà, de me masser un peu les genoux et c'est tout. Quoi. Oui, parce que vous y allez pour un problème de genou. Elle vous dit le problème, c'est pas le genou, c'est tout le reste. En gros, c'est tout le reste. C'est votre mode de vie, c'est votre entraînement, c'est la façon dont vous vivez et les médicaments que vous ingurgitez. Du coup, entre la médecin assez dirigiste et assez stricte et Sylvain Tesson qui était adepte du laisser-faire, qu'est-ce que vous avez choisi comme comme d'habitude, c'est-à-dire la voie médiane. Donc entre Sylvain qui lui m'encourager à continuer dans cette voie. Moi, j'ai aussi écouté cette médecin parce qu'elle avait l'air assez bienveillante. Bah oui. Et voilà, la voie du milieu. Elle ne vous voulait évidemment pas de mal, cette médecin. Mais Sylvain Tesson, peut-être pas non plus. alors, bon, voilà, vous vous préparez, vous suivez quand même cet entraînement, vous prenez ça très au sérieux. D'ailleurs, il n'est pas question de dire aux auditeurs qu'on peut se lancer n'importe comment sur le Mont Blanc. Il y a encore eu 12 disparitions pendant cette période estivale. Donc, c'est dangereux, la montagne, ouais. Et le massif du Mont Blanc particulièrement. Vous y allez. Alors, avant vraiment de tenter l'ascension, il y a une sorte de premier test avec, alors cette fois-ci, Jean-Christophe Ruffin n'est pas avec vous. Non. Vous êtes juste avec Sylvain Tesson et Daniel Dulac, donc l'alpiniste, le guide de haute montagne, champion d'escalade. Comment ça va se passer, cette première journée test? Alors, c'est la première journée, donc c'est la première fois de ma vie que j'escalade et tous les deux ont décidé d'aller me faire comme moment d'entraînement, d'aller grimper à un truc qui s'appelle la Pointe Percée, qui est dans le domaine des Aravis, dans la chaîne des Aravis, qui est à 20 bornes de Chamonix. Et cette Pointe Percée n'est absolument pas à mon niveau. Ouais, alors quand vous arrivez, prenez le temps de nous le raconter, vous arrivez au bas de cette Pointe Percée, vous voyez ce qui vous attend, vous le racontez très bien dans votre livre, j'étais mal à l'aise pour vous, je m'imaginais dans votre situation, parce que vous êtes quand même avec Sylvain Tesson, avec ce guide particulièrement réputé, qui vous consacre du temps, qui vous propose d'aller, voilà, de vous faire une formation de luxe, mais vous vous retrouvez au pied du c'est hyper impressionnant ce que vous avez devant vous à ce moment-là. Vous pouvez plus reculer. Non. En fait, on arrive au col des Ânes, au Grand Bornand, et là, on se retrouve en bas de cette espèce de massif de plus de 2500 mètres et qui est une immense paroi de rochers. Et rien que de regarder le haut où on est censé aller, j'ai le vertige. Oui, c'est ça. Donc c'est vous dire, depuis le bas, vous avez le vertige en regardant. À peine en descendant de la voiture, en regardant le sommet, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Ouais. Et je ne leur ai rien dit. Mais comme ils étaient très enthousiastes et que je voulais surtout pas les décevoir, j'ai rien dit. Et je me suis dit, on verra. Jusqu'au moment où on voit plus et il se passe quelque... Enfin voilà, à un moment donné, j'ai une vraie crise de vertige au ouais. moment où on grimpe. Alors comment vous allez faire face à cette crise de vertige? Alors j'avais un peu anticipé les choses. Je m'étais dit que le vertige, au fond, c'est de l'angoisse. Et si c'est de l'angoisse, on doit bien trouver une solution en prenant des anxiolytiques. Donc j'avais pris du Xanax avec moi. Et je me disais, voilà, si, au moment où la crise surviendra, puisque j'étais sûr que ça arriverait... J'en prendrai et on verra si ça calme la crise ou pas. Donc c'est un anxiolytique. Un anxiolytique, ouais. Mais ça c'est très répandu. C'est vous qui avez décidé que c'était bon contre le vertige ou ah non, en c'est accord moi tout avec votre médecin? Ah non, en accord avec moi-même, d'accord. En accord avec personne. Donc c'est pas un conseil qu'on donne à la radio, on est d'accord. Non, pas du tout. Ouais. Non. Moi, le conseil que je donne à la radio, c'est de s'entraîner physiquement et de prendre un guide. Voilà, ça c'est le conseil officiel. D'accord. Mais le conseil officieux, c'est de on a tous ces gris-gris, ces machins, ces trucs pour pouvoir parer au problème, quoi. D'accord. Donc, vous avez réussi à faire face à cette crise d'angoisse liée au vertige? À la fois grâce à ça et au conseil de Daniel qui, à un moment donné, m'a dit « Écoute, Ludovic, il peut rien t'arriver, tu es attaché. Ça va passer dans 10 minutes, un quart d'heure, c'est des trucs qui arrivent. Et ensuite, on va continuer. » Et rien que ces paroles fermes et sûres ont réussi à me réconforter et à me faire continuer. À vous faire continuer, et puis il va aussi y avoir ce qu'on appelle un vol en alpinisme. Là aussi, ça a dû être une sacrée épreuve. Alors racontez ce que c'est qu'un vol quand on fait de l'escalade. Donc là, vous êtes encordé à ce moment-là sur une paroi. Alors, on continue la pointe percée, donc on arrive à une longueur plus loin, et là on arrive vraiment dans un endroit qui est très difficile, et je rate ma prise, c'est-à-dire que mes doigts glissent, et je pars en arrière dans le vide. Et c'est ça qu'on appelle faire un vol, c'est-à-dire que tant que vous tombez et que la corde ne vous retient pas, c'est-à-dire pendant 2-3 mètres, vous volez dans le... Alors voilà, donc c'est... J'ai appris en fait en une journée ce que l'on est censé apprendre en un an en fait. Oui. Mais vous dites ça, c'était plus terrifiant finalement le vertige, c'est-à-dire la peur du vide ou le fait de vraiment l'affronter en subissant la gravité et en chutant de 3 mètres le long de cette paroi au bout de cette corde? C'est plus terrifiant l'idée qu'on s'en fait. Parce qu'une fois que vous êtes tombé, vous rendez compte que ça dure pas très longtemps et que c'est, je dis pas que ça fait pas peur, mais c'est moins terrifiant que l'anticipation que l'on se fabrique dans la tête. Réaction de Sylvain Tesson et de Daniel Dulac qui vous accompagnaient à ce moment-là quand ils vous voient faire votre premier vol? C'est-à-dire que je suis au bout de la corde, ils me remontent et là j'étais tout vert, donc ils étaient écroulés de rire. Oui, c'est ça qui est terrible. Parce que c'était, en fait, je comprends que c'était un bizutage. Ouais. Une sorte de bizutage, et que dans leur entraînement à eux, c'était une manière de voir si j'étais capable de faire la suite, tout simplement. Et ensuite, ils ont appelé la pointe percée, la pointe du Xanax. Ouais. Mais ce serait très sympa. Vous êtes quand même pas rancunier avec vos deux amis, hein. Ils savent que vous vous forcez, enfin voilà, que vous prenez sur vous, que vous avez le vertige, c'est la première fois, le premier contact. Ils n'ont pas peur de vous dégoûter, de vous traumatiser. C'est un peu cruel de vous emmener, en fait, sur un lieu, ils vous le disent après. Là où on est allé, c'est aussi difficile pour nous. En fait, c'est un bizutage dans le sens où c'est un des endroits, même pour les alpinistes chevronnés, c'est difficile de passer par là où on est passé. Vous débutiez, vous? Je pense qu'ils sont tellement... Ils ont un tel niveau tous les deux qu'ils ne se rendent pas compte ce que c'est que un niveau de quelqu'un d'ordinaire comme moi. Enfin, un niveau de débutant. Ils ne s'en rappellent plus. Daniel, il grimpe depuis l'âge de 8 ans. Ouais. Sylvain, c'est pareil. Je pense qu'il ne se rend pas compte. Mais du coup, ça vous rassure, cette première expérience où il y a bizutage et visiblement où on surestime un peu vos capacités? Vous n'êtes pas un peu inquiet après ça? La première période, ça me fait énormément peur, évidemment. Et ensuite, le fait d'avoir affronté et dépassé cette crise de vertige, ça me donne confiance en moi. Et il y a quelque chose qui se déverrouille. Et ensuite, je sais à ce moment-là que je vais pouvoir faire la suite. Et encore aujourd'hui, je pratique l'alpinisme parce que je pense que quelque chose de très important s'est joué à ce moment-là. Et je pense qu'ils ont eu raison d'une certaine manière. Ouais. Il y a eu un déclic. Ouais. Il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic, vraiment. Hein. À la pointe percée. Nous allons voir dans la suite de cette émission comment s'est passé l'ascension du Mont Blanc à proprement parler, si vous avez effectivement atteint le toit de l'Europe. Bon, je m'excuse, mais je voudrais poser une question, là. Parce que c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme ? Le temps d'un bivouac. Puis d'abord, où est-ce qu'on est, ici ? Vous avez des boussoles ? Vous avez des cartes ? Mais pourquoi un foot ? T'es pas bien, là ? Sur France Inter... Bon, j'aimerais parler au responsable. Daniel Fievé. I don't know a lot about you, but you seem to know a lot about me, so I take a little time out. I take a little time out. I'm sorry that I lost my patience. You deserve better, it's true. I need a little time out. I need a little time out from me. The Little Time, c'était Courtney Barnett sur France Inter. Ce qui est pas mal, on est un petit peu seul dans notre vallon. Et puis là, du coup, on arrive par le côté ouest sur le refuge de Tétrousse. Ce qui fait qu'il faut qu'on trouve un passage parce que ben voilà, c'est pas une montagne aseptisée où le sentier est tracé de ce côté-là. Et on a la chance de pouvoir faire ça parce que ben, y a énormément de neige tout simplement. Et Sylvain, ça va ? Ça rigolo ? Ouais, j'aime bien. Je connaissais pas cette approche. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On n'est pas dans la bonne combe ? Bon. Ah, s'il faut y aller, on y va. Les voix dans l'ordre de Daniel Dulac, Sylvain Tesson et Jean-Christophe Ruffin, vos trois coéquipiers pour cette ascension du Mont Blanc, Ludovic Escande. L'ambiance a l'air... plutôt bonne, plutôt décontractée, le paysage superbe. À ce stade-là, jusqu'ici, tout allait bien ? Tout allait bien, il faisait très beau, la neige était voilà, très bonne, parfaite. Ouais. Avant de partir, hein, pour de bon, vous vous êtes un peu entraîné aussi à l'escalade avec Jean-Christophe Ruffin, après avoir fait la fameuse aiguille percée. Et avec Jean-Christophe Ruffin, vous aviez quand même pris conscience de vos limites, de, en fait, vous commenciez à entrevoir tout ce que vous ne saviez pas. Toute la technique que je connaissais pas, j'en ai pris conscience avec Jean-Christophe parce qu'il m'a montré les gestes. Ouais. Et j'ai compris que je ne connaissais rien du tout, mais rien, ni les nœuds, ni rien du tout. Ouais. Donc c'était quand même bizarre d'être là, quoi. Oui. Ça vous a pas plus inquiété que ça au moment de partir? Bah, on était lancés, alors, je m'inquiétais, puis en même temps, puis ça passait. Alors, je suivais le mouvement. D'accord. Quelle voie vous aviez choisi de suivre pour atteindre le sommet du Mont Blanc? Alors, ce qu'on appelle la voie normale, c'est-à-dire le refuge du Nid d'Aigle, puis le refuge de Tétrousse, le refuge du Goûter, et enfin l'arête sommitale jusqu'au Mont Blanc. Ouais, vous avez fait cette ascension en combien d'étapes, en combien de jours? En deux étapes. Ouais. Première étape, on va jusqu'au refuge du Goûter, qui est assez connu. Et la deuxième étape, vous partez à 3h du matin et vous faites refuge du Goûter, 4000 mètres, jusqu'au sommet du Mont Blanc, en passant par l'arête des Bosses, 4810 mètres. Ouais. Et avant le refuge du Goûter, il y a plusieurs refuges. Hein. Vous faites une petite halte par un refuge. On va y aller d'ailleurs, ce refuge par lequel vous êtes passé. Bon, alors on est au refuge de Tétrousse. On a pris un repas relativement plantureux, soupe, omelette au lard, salade de fruits. On va faire une provision d'eau, on va se rhabiller. Voilà. On a mis à sécher quelques vêtements dehors parce qu'on a pris tout de même une bonne suée là, dans ce qu'on appelle la grimpette. C'est un peu un euphémisme parce que ça grimpe assez dur, là, la grimpette de tête rose. Ouais. On est à 3167 mètres, on vient de 2300, donc on a déjà fait une petite dénivelée. Et là, pour arriver au refuge du goûter qui est à 3008, on en a pour 2h30 maximum en prenant notre temps. On cramponne la... On va voir en fonction des conditions. Mais c'est la partie, là, disons, la plus technique de toute la course. Après, bon, c'est de la marche, c'est différent. Mais c'est que ça reste quand même tout à fait viable. Donc on va voir. Là, je pense qu'il n'y aura pas de problème, vu comme tout le monde a marché. Qu'est-ce qu'ils disent les gens quand ils craquent sur une pente? Les gens quand ils craquent sur une pente, c'est souvent « j'en peux plus, je vais mourir. Laissez-moi là ». Alors ça, laissez-moi là, ça on le retrouve très souvent, où ils disent plus rien. Alors c'est carrément, là, ils sont là, ils s'assoient, ils disent plus rien, ils font plus rien, ils agissent plus, ils n'entendent plus ce qu'on leur dit. Il faut tout leur faire, leur mettre leur bonnet, leur mettre leurs gants, leur dire bon, je vais te faire ça, et puis on les tire. Il y en a qui dorment aussi, certains dorment aussi. J'ai encore pas vu ça, mais c'est possible, ouais. Qui s'endorment à moitié, qui sont là, qui deviennent complètement, qui sont dans le gaz, ils sont dans un état second, et puis. Mais de toute façon, quand le gars arrive encore à dire « j'en peux plus », c'est qu'il en peut encore. Quand il dit plus rien, on commence à se faire du souci. Un reportage de Marie-Hélène Freissé avec un guide de haute montagne dans ce refuge du Mont-Blanc par lequel vous êtes passé, hein, Ludovic Escande. On l'entendait expliquer ces gens qui l'accompagnent et qui parfois craquent. Est-ce que vous, lors de ces différentes ascensions jusqu'au dernier moment, il y a des moments où vous avez craqué, où vous avez eu envie d'abandonner, où vous avez dit « laissez-moi là, avancez tout seul, je n'irai pas plus loin ». Ouais, c'est tellement dur physiquement pour les novices que on passe son temps à se dire je vais craquer, et puis on craque pas. On craque quand on, ce que dit le guide, quand on dit plus rien. Et il y a quelque chose qui vous pousse en avant en permanence. Mais effectivement, régulièrement, il y a des gens qui abandonnent parfois à 400 mètres du sommet parce qu'ils n'en peuvent plus. Ouais, n'en peuvent plus. Ça vous est arrivé ou pas de vraiment sentir que vos forces vous abandonnaient, que vous auriez du mal à aller au bout? C'est la première fois de ma vie que j'ai le sentiment d'arriver à mes limites et de continuer sur les limites de mon corps. J'ai été porté à mes limites physiques comme ça, jamais de ma vie. C'est ce que vous étiez venu chercher aussi, ces limites? J'étais venu chercher un dépassement, je pense, et aussi ce que tout le monde vient chercher au Mont-Blanc, c'est se prendre une petite part du mythe. C'est très important, le mythe, c'est une manière d'enchanter son existence un petit peu. Alors, vous vouliez enchanter votre existence, vous vouliez chercher le mythe, mais vous aviez pris les mauvaises chaussures, vous aviez emprunté des chaussures qui n'étaient pas à vous. Erreur de débutant, là encore, personne ne vous a dit que les chaussures et les pieds, c'est capital quand on affronte la montagne. Ça montre bien mon inexpérience et le fait qu'on était dans une espèce d'euphorie tous ensemble, ouais. Là, c'est que j'avais pas prévu qu'il fallait... On m'avait dit on va tout prêter, donc les chaussures, tout. Et effectivement, les chaussures qu'on m'avait prêtées étaient beaucoup trop grandes, donc mes pieds ont frotté et j'ai eu des ampoules et qui sont devenues des vraies plaies ensuite, ouais. Des blessures. Et malgré ça, vous avez réussi à continuer parce que ça peut être vraiment très handicapant, hein, d'avoir des pieds avec des blessures béantes pour avancer, pour marcher. C'est la pire des blessures en montagne, ce que vous disent les guides. Mais oui, j'ai continué parce que du lac avait une trousse de secours et qui m'a posé ce qu'on appelle une double peau sur ma plaie et il a très bien bandé les choses et ensuite j'ai pu continuer. Mais c'était totalement, c'était stupide. Oui. Vous arrivez à un guide, vous voyez un guide à Chamonix et vous lui dites que vous n'avez pas de chaussures, il vous emmène pas en haut du Mont Blanc. Ouais. C'est bien la preuve qu'on était aussi dans une forme d'inconscience, d'insouciance. Oui, il y a une forme d'insouciance. Alors, d'ailleurs, dans les refuges, on sent que l'ambiance est bonne. Hein. Vous n'êtes pas là pour faire un exercice uniquement, un effort, prendre sur vous. Vous avez aussi envie que ce soit joyeux et festif, cette ascension. Ouais, c'était vraiment l'idée de cette ascension. C'est un moment entre amis, faire que ça reste joyeux tout le temps. Pas du tout dans un mode doloriste ou dans un mode. Je suis pas un champion, je le sais, tout le monde le sait. Il y a 20 000 personnes par an qui font le Mont Blanc. L'intérêt est ailleurs. Il est dans ce moment de partage et de joie. Et c'est vrai que quand on est dans les refuges, plutôt que d'aller immédiatement rentrer dans son sac de couchage pour se reposer, nous, on va faire la fête. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faisiez dans ces refuges avec on Jean-Christophe bavarde, on chante, Sylvain a amené une flûte, on boit de l'alcool, on fait la fête, quoi. Vraiment, la bombance. D'accord. Ouais. Même en haute altitude, on peut boire de l'alcool et repartir très tôt le matin en montagne. Alors, l'avantage de l'altitude, c'est que vous avez besoin de boire beaucoup moins d'alcool pour atteindre l'euphorie. Donc, on fait des économies. Je suis sûr qu'on va choquer plein d'auditeurs. On peut aussi faire de la montagne sans boire une goutte d'alcool et s'enivrer des paysages et de l'altitude. Oui, évidemment, bien sûr. On va pas dire autrement. Allez, nous ne sommes plus très loin du sommet. Si tout se passe bien, nous devrions y arriver bientôt. Le temps d'un bivouac sur France Inter. J'irai là-haut, là où dorment les cimes, là où dorment les cimes, pour qu'on s'aime. J'irai là où tout s'illumine, là où rien ne s'abîme. On s'aime sur la montagne nue, je planterai un drapeau aux conquérants de l'inutile, aux conquérants de l'inutile. Bien après les cimes, bien après les cimes, bien après les cimes, je t'aime. C'était Alpiniste par Babix sur France Inter dans le temps d'un bivouac. C'est physique, très physique. C'était plus long, mais en fait, on est monté doucement. Ouais, mais ça s'arrête jamais. Longtemps, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Et moi, j'avais pas réalisé à quel point dans la petite montée au refuge Tétrousse, là, t'avais patiné dans la pyramide. Ouais, j'ai patiné, j'étais plus derrière toi, du coup, j'allais à droite, à gauche, tirer des bords comme un bateau qui remonte le vent. Je pensais que Sylvain te coachait. Et c'est vrai que moi, j'avais une petite inquiétude sur l'itinéraire, comme on était. Et surtout, ouais, voilà. Freeride. Ouais. Mais après, après, c'est un peu empêché, tu vois, là, mais tu sens l'altitude, tu sens le truc, tu vois. Mais ouais. Bah, si tu veux, moi j'apprends la montagne, je ne fais qu'apprendre. Chaque jour c'est une leçon, tu vois. Et j'aurais dû rester un petit peu plus proche de toi tout à l'heure, tu vois. Mais bon. Mais là on était bien là. Ah ouais, toute la montée là, c'était parfait. On était très bien. Impeccable. Ludovic Escande en pleine discussion avec le guide de montagne Daniel Dulac sur le massif du Mont Blanc en train de faire le point. Ça doit vous rappeler quelques souvenirs. Je vous vois écouter ça avec beaucoup d'attention. Vous revoyez le paysage, la situation que vous étiez en train de vivre? Ouais, là on était à 100 mètres du goûter et on faisait le point sur l'énorme montée qu'on venait de faire, c'est-à-dire plus de 1000 mètres de dénivelé. Et je venais de me rendre compte qu'on était à plus de 3800 mètres. Et à partir de 3800 mètres, ce qui est la hauteur de l'aiguille du Midi, là, les efforts commencent à vous coûter. Parce que l'oxygène qui se raréfie, vous commencez à le sentir vraiment. Ouais. Vous le sentez de la manière suivante. Tous vos gestes vous coûtent plus. Vous fatiguez plus vite, le cœur bat plus vite. et tout à coup, vous sentez comme si vous aviez doublé de poids. Mmh. C'est très bizarre comme sensation. Vous vous y étiez préparé justement à ce manque d'oxygène, à cette haute altitude? On peut pas s'y préparer. Parce qu'il faudrait être équipé comme la NASA, avoir des caissons. La seule manière de savoir si on résiste au mal des montagnes, c'est d'aller voir. Mmh. Alors la dernière ligne droite, hein, c'est à partir du refuge du Goûter, on se lève à quelle heure pour partir vraiment au sommet du Mont Blanc? Alors on allume les lumières à 2h du matin, 2h30, et là on a le temps de prendre un petit café et ensuite il met tout le monde dehors parce ouais. que à 3h du mat, il faut que tout le monde ou aille vers le sommet ou redescende. Mais il n'y a pas de pause possible, on n'est pas là pour s'arrêter dans un refuge, on est là pour continuer. Même si on a fait la fête la veille, à 3h du mat, tout le monde dehors. Ah, c'est pas le problème du refuge, hein, c'est tout le monde dehors. Mmh. Et oui, on part à 3h et l'idée c'est d'arriver au sommet vers 8-9h pour que la neige soit encore dure quand on va redescendre. Parce que à partir de 10h midi, il y a plus de risques, comme il fait chaud, on est en été, lors de la redescente, pour pas qu'il y ait de problème avec des glissements de neige. Comment se passe cette dernière grande ascension de nuit, hein, du coup, puisque ça commence à 3h du mat? Alors il faut bien réaliser qu'au moment où vous partez pour faire la dernière longueur, il est 3h du matin, donc il fait nuit. Totalement nuit. Donc vous partez dans la nuit seulement avec la lumière frontale sur le casque et vous voyez à 2 mètres devant vous. Vous voyez à peine les petites étoiles et de toute façon il fait tellement froid et vous sentez que les éléments sont tellement hostiles que vous ne réfléchissez à rien d'autre. Il fait moins 20 degrés. Il fait moins 20, ouais. Ouais, moins 20 degrés. L'oxygène qui se raréfie. L'oxygène qui se raréfie. Vous marchez comme ça, vous suivez la corde qui est devant vous. Et les choses s'inversent à 4300, 4400 mètres quand il est 4h30, 5h du mat, parce que là, c'est le moment où le soleil se lève. Et alors là, c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu de ma vie, un spectacle naturel. Toutes les lumières comme ça, tout s'allume, toute la chaîne du Mont Blanc s'allume autour de vous. Et vous n'êtes plus du tout dans l'obscurité, vous êtes dans l'illumination, dans le spectacle. Mmh. Et après, la fin, même si elle est impressionnante, comme tout est illuminé, ça compense un peu la dureté. Mais donc, le début est dur, hein, vraiment. Donc l'atmosphère se réchauffe aussi avec le soleil qui réapparaît. Il fait moins froid quand on arrive en haut. Ouais, quand vous arrivez en haut, il fait entre 0 et 4 degrés. Ouais, donc ça se réchauffe. Il y a le petit effet aussi un peu euphorisant de ce manque d'oxygène. Ouais. Ouais, donc c'est assez euphorisant d'arriver au sommet. Quand vous arrivez là-haut, oui, parce que quand vous n'avez pas le mal des montagnes, le manque d'oxygène chez un débutant crée une sorte d'euphorie. Tout vous semble merveilleux, magique, vous êtes très content de vous-même parce que vous êtes arrivé là, voilà, donc vous n'êtes pas tellement... Et donc après plusieurs heures d'effort, à 4810 mètres d'altitude sur le plus haut sommet d'Europe de l'Ouest, avec vos 3 amis, vous arrivez. L'arrivée au sommet du Mont Blanc. Le sommet de l'Escande. C'est excellent. Alors, les super conditions. Vous êtes arrivé. Ouais. Merci. Comme une lettre à la poste. Quelle heure est-il? Il est 7h10. 7h15. On a mis 4h. 3h45. Voilà. Pour rien que ça, ça va aller le déplacement. Ouais. Jean-Christophe Ruffin, Sylvain Tesson, Daniel Dulac et vous, Ludovic Escande, en train de trinquer au cognac, je crois, au sommet du Mont Blanc. C'est un souvenir, c'est une réussite. Vous avez vaincu le vertige et vous y êtes sur le toit de l'Europe. Ouais, c'est au sens propre du terme. Tout ce qui est autour de vous est plus bas. Et c'est la première fois de ma vie que j'étais dans un endroit où tout est plus bas. Et vous savez que quel que soit l'endroit où vous êtes en Europe, en Italie, en Suisse, là vous êtes au plus haut. Mmh. Et ça fait un peu comme si vous étiez un géant sur une map monde. Ouais. On ressent ça en fait. À ce moment-là, vraiment, vous le pensez comme ça, vous l'intellectualisez comme ça. Ouais, parce que tout ce qui est autour, ça ressemble à des petits comme une maquette. Ouais. Et d'un côté il y a la Suisse, de l'autre l'Italie, il y a la France, et vous êtes là. Vous regardez tout ça. Le retour est difficile ou ça se fait dans la joie et la bonne humeur une fois qu'on a atteint le sommet? Alors évidemment, il y a la joie qui vous porte, qui vous fait descendre pour ainsi dire. Mais en même temps, la descente est assez éprouvante physiquement parce que c'est comme si vous descendiez des milliers d'escaliers. Et ça n'en finit pas, ça n'en finit pas. Parce que ce qu'on a grimpé en deux jours, il faut le descendre en une seule après-midi. Et c'est interminable et ça fait vachement mal aux jambes. Ouais, des courbatures, on imagine, à l'arrivée. Alors, vos compagnons de cordée, hein, Jean-Christophe Ruffin, Sylvain Tesson, qu'ont-ils pensé de cette expédition avec vous? Eh bien, écoutons leur réponse. Il a été héroïque. Il a été héroïque, mais c'est agréable de voir Ludovic, qu'on a connu toujours dans la componction légèrement solennelle de la maison d'édition Gallimard, et qu'on s'aperçoit que c'est un éditeur à visage humain, capable de ne pas se laver pendant 5 jours, de dire des gros mots, de manger avec ses doigts. Parce que l'alpiniste est quand même un peu un principe décivilisant quand même. Et au bout de 5 jours, je dois dire qu'il a atteint une barbarie qui nous a beaucoup réjouis. On ne peut pas dire que nos conversations aient été encombrées par la littérature. C'est-à-dire que quand on est entre nous dans un milieu comme celui-là, on ne parle pas de littérature. Et ça, c'est un peu, c'est pour moi, je pense, très révélateur. Parce que, en fait, c'est pas une promenade de Jean Pédant qui se lancerait des citations à figure. Enfin, on n'a pas parlé de ça du tout. Et puis la promiscuité légèrement virile du refuge ne prédispose pas à se poser des questions sur la place du moi dans la tempête de l'existence. Ça doit être quelque chose de partir avec ces deux pinces sans rire en montagne, de les avoir eus comme compagnons de cordée pour gravir le Mont Blanc. Il rigole un petit peu, Sylvain Tesson, en disant qu'il vous a vu vous barbariser. Il y a un peu de ça aussi. Vous parliez d'aller au bout de vos limites. Est-ce qu'aussi vous vous êtes surpris vous-même dans cette aventure? Oui, parce que honnêtement, au début, j'avais conscience qu'il y avait une chance sur deux pour que j'y arrive, ouais, que je craque. Voilà. Et puis, ça m'a surpris d'avoir réussi, d'avoir été jusque-là avec eux. En fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'ils ont passé leur temps avec leur humour et avec ironie à dédramatiser en permanence. Ouais. Dédramatiser, dire « écoute, c'est pas grave », à se moquer de moi, à se moquer d'eux-mêmes. Et tout ça, ça fait que c'est moins solennel, il y a moins cette pression qui fait qu'il faut à tout prix réussir. Et même si on réussissait pas, et ben rien que d'être allé au goûter, déjà ça c'était formidable. D'être tous les quatre là, c'était ça l'aventure, la vraie aventure c'était ça. Après, on était en haut du Mont Blanc, mais l'aventure aurait été aussi intense si on n'était pas allé au sommet. Et le côté un peu désinvolte, d'humour, alors ça s'est bien passé là, mais est-ce que parfois vous vous êtes dit, bon... il y a un risque et des fois on l'a pris un peu trop à la légère, le risque que nous courions, et surtout vous, parce que vous étiez inexpérimenté sur ce massif qui, encore une fois, qui cette année, rien que pour la saison estivale, 12 personnes sont décédées sur le massif du Mont Blanc. Est-ce que vous vous êtes dit aussi parfois, je prends des risques peut-être un peu inutiles? Dès que vous allez en montagne, vous prenez un risque. Et même les plus grands alpinistes, regardez le livre de Lionel Terray, qui est un très très grand alpiniste, qui s'appelle Les Conquérants de l'Inutile. Si même les grands disent que l'on prend des risques, alors que eux s'entourent de précautions infinies, quelqu'un comme moi, de toute façon, il prend des. Mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Sinon, on reste en permanence sur les chemins, sur les chemins à vaches, et puis. Ça vaut le coup de sortir de ça et de monter et de prendre ce risque. Ouais. Alors l'objectif de cette expédition, hein, rappelons-le, c'était de retrouver un peu le goût du bonheur. Vous étiez dans une période, en 2012, une période de crise, vous vouliez aussi vous sortir par le haut de tout ça. Mmh. Est-ce que cet effet un peu antidépresseur, ou en tout cas de vouloir tourner une page et de s'en sortir par le haut, est-ce que ça a eu cet effet escompté de vivre cette aventure? Alors c'est très bien dit, c'est-à-dire sortir par le haut, effectivement, au sens propre du terme. Une fois que je suis arrivé là-haut, j'ai vraiment eu le sentiment que j'avais passé ce col, cette mauvaise période, cette mauvaise étape dans laquelle j'étais embourbé. Et j'en suis sorti grâce à l'escalade. Je voudrais vous faire un petit cadeau à l'éditeur et amoureux des livres que vous êtes, un texte de Jean-Jacques Rousseau qui, je l'espère, vous parlera. C'est une impression générale qu'éprouvent tous les hommes, quoiqu'ils ne l'observent pas tous, que sur les hautes montagnes où l'air est pur et subtil, on se sent plus de facilité dans la respiration, plus de légèreté dans le corps, plus de sérénité dans l'esprit. Les plaisirs y sont moins ardents, les passions plus modérées. Les méditations y prennent je ne sais quel caractère grand et sublime, proportionné aux objets qui nous frappent. Je ne sais quelle volupté tranquille qui n'a rien d'âcre et de sensuel. Il semble qu'en s'élevant au-dessus du séjour des hommes, on y laisse tous les sentiments bas et terrestres et qu'à mesure qu'on approche des régions éthérées, l'âme contracte quelque chose de leur inaltérable pureté. On y est grave sans mélancolie, paisible sans indolence, content d'être et de penser. Tous les désirs trop vifs s'émoussent. Ils perdent cette pointe aiguë qui les rend douloureux. Ils ne laissent au fond du cœur qu'une émotion légère et douce, et c'est ainsi qu'un heureux climat fait servir à la félicité de l'homme les passions qui font ailleurs son tourment. Ludovic Escande, c'est ça que vous avez ressenti là-haut, l'impression que vos problèmes étaient bien plus petits vus d'en haut. Exactement, parce que quand vous êtes là et que pour la première fois de votre vie, vous avez vraiment le sentiment que vous pouvez tomber et vous faire très mal, et du coup, tout ce qui vous faisait peur avant prend une autre dimension et reprend une mesure beaucoup plus normale. Parce que moi, tant que j'étais ici à Paris, en ville, je me suis aperçu que j'avais donné comme ça des dimensions beaucoup trop fortes à ce qui me faisait souffrir, à ce qui m'empêchait d'avancer. Et là, tout à coup, là-bas, on étant vraiment dans une zone où c'est vraiment difficile, là, j'ai repris la mesure des choses. Et ça, c'est une chose très très très forte en montagne qui vous remet immédiatement dans un principe de réalité vraiment très très fort et qui c'est comme une mise à jour, quoi. Ouais. Voilà, vous remettez à jour. Ça vous a permis de reprendre pied dans votre existence. Est-ce que vous avez aussi pris goût à l'alpinisme, c'est-à-dire on était en 2013, aujourd'hui en 2018, est-ce que régulièrement vous allez en montagne? Ouais, je continue à m'entraîner. Alors quand je suis à Paris, je vais grimper sur des murs d'escalade. Ah oui. Et puis l'été, quand je le peux, je reviens de Chamonix où je suis allé grimper, puis j'y retourne un petit peu là en fin août, peut-être pour faire la dent du géant ou les arêtes de Rochefort. Toujours avec la même équipe, Sylvain Tesson. On imagine Sylvain Tesson, c'est plus difficile aujourd'hui, ou Jean-Christophe Non, toujours, Ruffin. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Il y a toujours ce rendez-vous. Alors je passe pas tout mon temps avec eux là-bas. Parfois c'est avec l'un ou l'autre. Là on va être tous ensemble, mais oui, on essaie d'avoir ce rendez-vous. Et vous en êtes où avec votre vertige? Vous êtes toujours sujet au vertige? Finalement, vous l'avez dominé, ce vertige? Vous faites avec? Comment vous le... Je l'ai apprivoisé. C'est-à-dire que avant c'était une énorme bête qui m'écrasait et qui prenait toute la place. Aujourd'hui, c'est une petite bête un peu méchante, mais que j'ai mis à un endroit et que j'essaie de tenir à distance. Ça veut dire quand même qu'on peut amoindrir les effets de ce vertige. À force de l'éprouver, on finit par pouvoir un petit peu le dépasser. D'après mon expérience, je pense que oui, et je pense qu'il en va aussi de beaucoup de peurs que l'on peut avoir. C'est quand on va au devant, qu'on est bien accompagné, on peut sans doute réussir à réguler les choses. Merci Ludovic Escande. Je rappelle le titre de votre livre, L'Ascension du Mont Blanc, aux éditions Alary. C'est très rigolo, hein, c'est très enlevé, ça se lit de façon très agréable. Restez avec nous après les glaces du Mont Blanc. Je vous emmène dans les glaces de l'Antarctique. Dans un instant, nous allons tenter de joindre l'un des lieux les plus isolés de la planète, la base Concordia, au milieu du continent blanc. Et tout de suite, je vous propose d'entendre à nouveau une chanson d'Aretha Franklin qui vient de nous quitter. Sisters are doing it for themselves. Et on se retrouve juste après. Time. Sisters are doing for themselves. C'était Aretha Franklin, dont on vient d'apprendre la disparition. On en est très peiné. Toute l'équipe de la programmation d'Inter a mis à votre disposition une playlist de 35 titres emblématiques d'Aretha Franklin, disponible sur franceinter.fr. Et ce soir, nous lui rendrons hommage en diffusant un concert à 20h sur l'antenne de France Inter. Nous tentons d'établir tout de suite la connexion avec l'une des zones les plus isolées de la planète, la base Concordia, située au beau milieu de l'Antarctique. Allô, allô. Sur France Inter. Vous pouvez patienter un petit moment? Oui, oui, mais c'est le satellite qui n'attend. Oui, c'est le satellite, bien sûr. L'aventure en direct. L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait, dit-il. Bonjour, Cyprien Verseux. Bonjour. Vous vous trouvez donc actuellement sur la base Concordia, au milieu de l'Antarctique. Il est quelle heure pour vous, là où vous êtes ? On est 6 heures en avance par rapport à la France, donc là il est minuit moins 10. Ah ben merci de veiller si tard. Cette base est l'un des endroits les plus isolés de la planète. Prenez le temps de décrire l'endroit où vous vous trouvez et les conditions dans lesquelles vous vivez. Alors comme vous le disiez, on est au milieu de l'Antarctique et on est en fait au milieu d'un désert blanc. C'est-à-dire qu'à des centaines de kilomètres à la ronde, il n'y a aucune plante, aucun animal, très peu de relief, aucune installation humaine. C'est vraiment juste de la neige à perte de vue. Les humains les plus proches, ils sont à 600 kilomètres, c'est même plus de 600 kilomètres, pardon. C'est une base russe qui s'appelle Vostok, où il y a aussi une dizaine de personnes. Et il y a la base française du Mont d'Urville, et la base italienne Mario Zucchelli, qui sont à peu près 1200 kilomètres de nous. Ouais. Vous êtes sur nous cette... dans la zone la plus froide du monde. Oui, c'est-à-dire la plus froide. Ouais. Qui vont jusqu'à en dessous de moins 80 degrés pendant l'hiver. Et au milieu de tout ça, bah, y a la base Concordia, qui est une base franco-italienne gérée par les instituts polaires français et italiens, l'IPEV et le PNRA. Et c'est en gros deux tours de trois étages qui sont posés sur des pieds et relié par une espèce de couloir suspendu. Alors vous y vivez avec, vous êtes 13 membres. Quel est le but de cette mission à laquelle vous participez tous ? Alors c'est surtout des objectifs scientifiques, parce que Concordia, c'est un endroit très particulier. C'est-à-dire qu'on a une atmosphère qui est très fine et très sèche, donc on voit très bien à travers. Et en plus, comme il y a une nuit de 3 mois de continu, on peut faire des études d'astronomie qu'on peut faire presque nulle part ailleurs. On a aussi 3 km de glace et de neige en dessous de nous. Et ça permet de faire des études de glaciologie, des études sur le climat, entre autres parce qu'il y a de l'atmosphère du passé qui est piégée sous nos pieds. Et donc en creusant, on peut retrouver comme ça l'atmosphère du passé. On a aussi des études de physiologie humaine. Parce que comme Concordia, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus sur Terre d'une base qu'on pourrait avoir sur Mars ou sur la Lune. L'Agence spatiale européenne a embauché une médecin pour regarder comment est-ce qu'on s'habitue à cet environnement extrême. Alors ça, Cyprien Verseux, c'est la partie scientifique de votre travail. Mais on ne peut pas s'empêcher de vous demander, humainement, ça fait combien de mois que vous vivez confiné dans cet endroit, loin de tout, et comment ça se passe au niveau du moral, des relations humaines entre vous dans cette base? Alors on est arrivé entre novembre et janvier, parce qu'on n'est pas tous arrivés en même temps. Pendant l'été, il y avait plusieurs dizaines de personnes. Et le 6 février, le dernier avion est parti. Et on savait à partir de ce moment-là qu'on serait seul jusqu'à au moins début novembre. Donc là, ça fait un peu plus de 13 mois qu'on est là, qu'on est 13. Et ça se passe comment? Ça se passe comment entre vous? Plutôt bien, vu les conditions. Alors évidemment, parfois il y a des tensions. Tout le monde s'entend pas aussi bien avec chacun des équipiers. Mais au vu des conditions et vu qu'on est tous conscients des risques et qu'on fait tous des efforts pour justement que ça tienne jusqu'au bout. Jusqu'à maintenant, Jusqu'ici, tout va bien. Alors, il nous reste une minute, mais je voudrais que vous nous racontiez ça. Il y a quelques jours, pour vous, un événement majeur s'est produit. Le soleil s'est levé. Vous étiez dans l'obscurité, vous ne l'aviez pas vu depuis plusieurs mois. Quelle sensation quand on revoit enfin le soleil? Je dirais que c'est un sentiment de légèreté. Je pense que ça m'a enlevé un poids dont je n'avais pas conscience. C'est-à-dire que pendant 3 mois, depuis le 5 mai, on ne l'avait pas vu. Tous les jours, je sortais, je voyais des étoiles, c'était la nuit et c'était magnifique. Et j'adore la nuit polaire, c'est vraiment beau, mais c'est vrai que quand le soleil est revenu, je pense que ça nous a tous donné une impression de légèreté, de pouvoir à nouveau avoir toute cette lumière, de pouvoir voir au loin, etc. C'était un moment vraiment particulier pour nous. Vous restez encore combien de temps isolé dans votre base en Antarctique, Cyprien Verseux? Alors le premier avion arrivera à la fin de la première ou deuxième semaine de novembre. Et ensuite on restera pour former nos successeurs. Et on repartira tous normalement autour de mi-décembre. Donc bon, il nous reste encore 3 mois seul ici. Bon, on vous souhaite bon courage, vous saluez toute l'équipe pour nous. On va mettre en ligne un lien vers le blog que vous tenez, hein. On va le mettre sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Votre blog s'intitule marslablanche.com. Un grand merci à vous, Cyprien Verseux, et allez vous coucher, il est tard pour vous, il est passé minuit. Exactement, j'y vais. Merci à vous. Demain, des jardins en mouvement de Gilles Clément aux senteurs envoûtantes des Jardins d'Orient. Nous vous proposerons un grand voyage à travers l'espace et le temps à la découverte du monde des jardins. À demain donc pour de nouvelles aventures.